Kami. Germinal A4. De nos jours ça trahit normal pour succès. Salope on s'était seul, on n'a pas sucé. Que ça parle dans mon dos, mais bon je laisse pisser. Cesse de la ramener, rodé, puta qu'est-ce que tu sais. Pas d'humeur, pas du jar à sympathiser. Pour percer, certains sont prêts à partiser. Certains brés sont des grosses putains déguisées. Fin de nous depuis petit, les semaines aiguisées. Salope t'es bon qu'à faire la folle sur le net. J'ai pas le temps pour les putes, tu trop surmené. Tu veux le mec qui encaisse, t'as bu trois bouteilles. Mais il t'en reste encore un peu sur le nez. Très facile de t'en prendre à un plus petit. Tu veux faire de la hagra, fini comme Zepec. Fini les têtes à tête depuis tout petit. Rien ne sert de pousser, bâton dans les pecs. Nouvelle génération préfère le bon comme, qu'on laisserait prendre la merde pour de la frappe. Si tu parles mal, on va t'apprendre le respect. Un kick dans la tête comme dans un sac de frappe. Fin de mois difficile, t'attends jusqu'au 5. Pour aller flamber ton salaire dans les cartes. Que ça bête de nos jours, y'a plus de respect. Suffit de quelques billets pour que j'en s'écarte. Que ça parle, je n'écoute pas les bruits qui courent. Tu t'es senti niqué, ouais, c'était fait pour. RS3 cagoulé, je les vois tous ces cours. Te lance pas dans le bis si t'es pas fait pour. On fait fumer la gomme comme en manicourt. Ça débite, la frappe sort du four. Quand t'es dans le besoin, beaucoup font les sourds. Laisse ces gros fils de pute, ils se manquent les fours. Toujours authentique que du sale systématiquement. Ils s'en battent les coups de ta version des faits. Jugement, tu ne pourras rien faire aussi le flicement. Donc tu prends du ferme logiquement, histoire de te remettre en forme physiquement. Tu ressors, tu dois te faire avancer au poteau, histoire de te refaire rapidement. T'es un chien économiquement, tu vas t'endetter automatiquement. Tu reprends les bis tranquillement, ça veut tester, tu ressors l'équipement. Pollen sur pollen, le cerveau apaisé, gros calibre, barillé, fraisé. Enseigne-toi sur nous avant de vouloir nous baiser. Viens pas jouer les tombis de caisé. Y'a des fous dans tous les secteurs, beaucoup se prétendent de vrai mais c'est que des acteurs. T'as parlé devant l'inspecteur, t'as dû quitter le bitume, t'es un déserteur. Tu t'es manqué, ils vont te saucissonner. Il parle mais est-ce qu'il s'y connaît. Suffit de peu pour se faire chiffonner. Regarde fort moustaché, casquette jusqu'au nez. Tu casses pas la tête, on sait où on va. On sait d'où on vient, on sait qui on est. Ils respectent pas leur mère mais ils sucent des putes. Les rebeux fragiles faciles à pigeonner. Putain de sale époque, pour de grosses tapettes, ils sortent les pecs. Dans mon équipe, pas de crête à les coques. Que des monocosses comme un Molenbeek. Mais bon, vont dire qu'on est mal vu ces temps-ci. Ne me demande pas pourquoi c'est ainsi. Dédicace aux frères des aides et Tounsi. Sans faire entrer des thunes posées sur Coolsi. Peu importe d'où tu viens, on est tous dans la même merde. Est, nord, sud, est, ouest. Pour histoire de thunes ou histoire de chasse, ça dégaine plus vite qu'au Far West. Et toi, ça t'étonne. Soirée fumée, buvette, rap dans sa cartonne. Que tu grossis l'histoire, ouais, t'en fais des tonnes. On va te fermer ta gueule, c'est les Chatterton. Ouais, le temps, c'est de l'argent, pas le temps de replier. Même si couche ici tard, faut se lever si tôt. Ouais, le rap ou la rue, c'est la même peu de vrai. Malheureusement, beaucoup de cabroncito. Celui qui veut nous tester, rivaliser. Nouvelle transformation à la Sangoku. Ils ne savent faire d'autre à part jalouser. Gros bâtard de merde, mets-toi la corde au cou. Pour ton débris dans le rap, y'en a plus beaucoup. J'écris, je me casse la tête comme un sudoku. Entre la meuf qui se respecte ou la meuf intelligente, ça préfère celle qui a le plus beau cul. Ça veut t'assis brasser, faire comme qu'on a mis. Ça se plaigne pour du bif, c'est donc ça la vie. Tu parlerais pas de moi si t'étais mon ami. T'es qu'un fils de pute, tu vaux mon avis. C'est la guerre à vie, tu te manques une seule fois. J'ai mis qu'un seul coup, mais bon, j'ai visé le foie. Pas les fermer ta gueule et bien écouter. Non, je le répéterai pas comme j'ai mis deux fois.